quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à l'histoire de la Révolution française dans la Fabrique de l'Histoire. Aujourd'hui, nous nous demanderons quelle place tient la Révolution dans le contexte d'agitation mondiale de la fin du XVIIIe siècle. Après vous avoir parlé lundi de justice révolutionnaire, de l'exhumation du corps des rois mardi dans le documentaire que vous pouvez écouter ou réécouter sur le site internet de France Culture, puis hier de vie quotidienne sous la Révolution française, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la circulation des idées révolutionnaires dans le monde dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Qui avait-il avant le concert des nations, comme on l'a appelé donc à la fin au XIXe siècle? Comment les idées révolutionnaires sautaient-elles au-dessus de l'Atlantique entre continent américain et Europe? C'est ce que nous verrons avec Anaïs Quin, qui a préparé cette semaine avec nous, et avec nos deux invités. Manuel Covo, il est maître de conférence à Warwick, en Angleterre, auteur d'une thèse soutenue fin 2013 sur commerce, empire et révolution dans le monde atlantique, la colonie de Saint-Domingue entre métropole et États-Unis entre 1778 et 1804. Et nous aurons également avec nous Marc Bellissa, il est maître de conférence en histoire moderne à Paris-Ouest Nanterre. Il est auteur avec Yannick Bosque récemment de Robespierre, la fabrication d'un mythe. Chez Ellipse, il est auteur également d'une thèse sur la fraternité universelle sous-titrée Cosmopolitique et droits des gens chez Kimé, également auteur d'un collectif sur les consulats français aux États-Unis à la fin du XVIIIe siècle. Bonjour Anaïs Quin, bonjour à vous Manuel Covo. Bonjour Manuel. Et bonjour à vous Marc Bellissa, merci bonjour. D'être avec nous aujourd'hui pour cette émission qui va conclure notre semaine consacrée à la Révolution française et à certaines de ses approches. Et une de ses approches, c'est effectivement d'inscrire cette révolution dans d'autres, un cycle révolutionnaire pourrait-on dire, et en particulier un cycle atlantique. Manuel Covo, certains historiens avaient avancé cette idée-là dans les années 60 qu'il y avait, disons, un cycle des révolutions atlantiques, et ces historiens ont été un petit peu marginalisés, mis en difficulté, en particulier Jacques Gauthier pour avoir avancé cette idée. Or, des jeunes historiens comme vous, dans la thèse que vous avez défendue en 2013, reprennent cette idée de l'espace atlantique des révolutions. Qu'en est-il exactement aujourd'hui dans l'historiographie contemporaine, Manuel Covo? Oui, tout à fait. C'est une idée finalement assez ancienne, hein, qui a émergé dans les années 1950 par deux historiens, un historien américain, Robert Palmer, et un historien français, Jacques Gauthier, qui avait avancé l'idée qu'avait existé une grande révolution atlantique, hein, partie des États-Unis, circulant dans toute l'Europe et diffusant des idées de citoyenneté, souveraineté, égalité, liberté, etc. Qui avait été taxé d'ailleurs d'avoir été financé par la CIA à l'époque, je crois. Oui, tout à fait, oui. Ça a été très mal reçu, puisqu'en fait, on pensait qu'ils travaillaient pour l'OTAN. En fait, c'est une thèse donc, qui a été rejetée en particulier par l'école dite jacobine, en particulier Soboul, Institut sur la Révolution française, qui a été mise de côté pendant un certain nombre d'années et qui a ressurgi en réalité au moment du bicentenaire et puis à la suite du bicentenaire dans les années 90, avec bien sûr la chute du mur de Berlin, qui a ouvert de nouvelles perspectives, et puis aussi le développement de la mondialisation et de l'histoire globale. De l'histoire globale, donc d'un point de vue historiographique, hein, le développement de l'histoire globale, et puis depuis les années 2010 aussi, les phénomènes de contagion révolutionnaire du printemps arabe. Mm-hmm. Donc, avec cette idée, effectivement, que c'est de circulation dont on va parler, Marc Bellissa, dans cette émission d'aujourd'hui. Oui, de circulation, différents types de circulation, circulation des hommes, des marchandises, et avec les hommes et les marchandises, circulation des idées, de textes, de chansons, de symboles, de représentations, non seulement entre Europe et Atlantique, mais aussi à l'intérieur de l'Europe, entre les différents États européens, entre différents mouvements révolutionnaires, ou plus exactement, différents mouvements patriotes, puisque c'est le terme qu'on utilise à l'époque, pour caractériser ces révolutionnaires. Alors, peut-être d'ailleurs, Marc Bellissa, qu'on peut poser une petite chronologie pour comprendre un petit peu comment s'enchaînent ces mouvements de réforme, de révolte Et ça ne commence pas en France, puisqu'en fait, la Révolution française arrive en toute fin de période. Oui, tout à fait. Alors, on a une simple constatation chronologique. En effet, la Révolution américaine, on peut dire qu'elle commence à partir de 1763, en tout cas, que le processus qui va aboutir à la Révolution américaine commence vers 1763. Mais pourquoi 1763 C'est le traité de Paris. C'est-à-dire, c'est la victoire des Anglais dans la guerre de 7 ans, victoire qui va finalement poser des problèmes pour la gestion de l'empire colonial anglais et qui donc, pas inéluctablement, parce que rien n'est inéluctable en la matière, mais selon un processus assez complexe, va aboutir à la déclaration d'indépendance américaine. C'est le retrait aussi des Français de ce territoire-là. C'est aussi le retrait des Français, c'est aussi les questions indiennes, parce que évidemment, les Indiens qui étaient soutenus par les Français ont des enjeux fondamentaux par rapport aux Indiens qui étaient soutenus par les Anglais. Mmh. Et donc, ça, le retrait des Français a bouleversé évidemment les rapports de force, aussi bien militaires que diplomatique ou géopolitique, pour utiliser un terme contemporain. Donc c'est cette nouvelle hégémonie britannique réaffirmée qui va rigidifier les rapports aussi sur le continent nord-américain. Mais que se passe-t-il en Europe occidentale ? Alors, en Europe occidentale, il y a aussi une dénonciation. Vous utilisez le terme d'hégémonie. À l'époque, on utilise le terme de tyrannie des mers ou despotisme des mers. C'est plus joli. Voilà. on parle à l'époque. Mais effectivement, ça veut dire à peu près la même chose. Beaucoup d'États européens considèrent que la mainmise des Anglais sur les domaines coloniaux et sur les domaines maritimes, font d'eux des espèces de tyrans, de despotes de l'humanité, et qu'il est de toute nécessité de s'opposer à cette tyrannie. Manuel Covo. Oui, tout à fait. Et je crois d'ailleurs que c'est un des éléments essentiels de l'intervention de la France aux côtés des Américains en 1778 contre l'hégémonie britannique pour assurer ce qu'on appelait la liberté des mers. Et donc, en intervenant en 1778, la France voulait à la fois assurer la liberté des mers et l'indépendance de l'Amérique. Et les deux sont indissociables dans le cadre d'un mouvement aussi pan-européen, puisque on va aussi défendre les petits pays qui étaient décidés à défendre la neutralité, c'est-à-dire la possibilité de commercer avec tout le monde dans les mers comme espace libre. Alors, il faut peut-être aussi, pour nos auditeurs, définir ce qu'est le système, entre guillemets, de ce qu'on ne peut pas appeler à l'époque les relations internationales, Marc Bélissa, avant justement le déclenchement de cette révolution, en particulier de cette révolution américaine et des révolutions qui vont suivre. Comment se passent les négociations, les discussions, les débats entre pays, comment se passe la politique des traités, par exemple, et qu'est-ce qu'on veut secouer comme joue, si on veut secouer un joue, quand on est un libéral, quand on est quelqu'un qui pétrit d'esprit des Lumières, se dit il y a peut-être là des choses à changer, Marc Bélissa. Alors tout à fait, il y a un vrai débat au XVIIIe siècle, et en particulier dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, sur la manière dont on peut ou modifier, ou en tout cas critiquer, cette société des princes, pour utiliser l'expression de l'historien Lucien Bailly. Car en effet, les relations entre les États, à l'époque, ne sont pas des relations proprement internationales. Le terme international, d'ailleurs, est inventé en 1789 par le philosophe Jeremy Bentham, le père de l'utilitarisme. Et à l'époque, on parle de politique, tout simplement. C'est-à-dire que la politique renvoie à ce que nous, on appellerait des relations entre les États. Pourquoi ce ne sont pas des relations internationales ? Parce que les acteurs de ces relations ne sont pas en droit les nations. Ce sont les souverains, ce sont les princes, ce sont des acteurs diplomatiques de différents types, bien qu'on ne parle pas de diplomate ou de diplomatie à l'époque, ça n'est que plus tard que le terme va devenir courant. Eh bien, donc ce petit monde, parce que c'est un tout petit monde, finalement, en France, qui est-ce qui dirige ces relations diplomatiques ? Ça doit être une cinquantaine de personnes au sommet de une pyramide au sommet de laquelle, bien sûr, se trouve le roi, son principal ministre, en l'occurrence, à l'époque de la Révolution américaine, le comte de Vergennes, qui est donc le principal ministre de Louis XVI, et un certain nombre de commis et de personnes qu'on peut appeler, de manière un peu anachronique, des diplomates, qu'on appelle à l'époque tout simplement des envoyés ou des ministres. Et c'est la même chose dans les autres pays européens. La France, l'Angleterre, l'Espagne, les grandes puissances, pour dire vite, ont des réseaux qui se ressemblent et une structure qui se ressemble dans son fonctionnement. Donc c'est un tout petit monde, finalement, ces relations entre États. Il existe des relations internationales qui sont les relations commerciales, qui sont les relations qu'on pourrait appeler, nous, culturelles. Mais elles ne pour des raisons évidentes. On est dans des monarchies, monarchies absolues ou électives. Et donc, la politique, c'est le travail du souverain, c'est le travail du roi, c'est le travail du prince. Anaïs Quin. Il y a quelque chose qui peut paraître un petit peu étonnant lorsqu'on découvre un petit peu ce sujet, Marc Bélissa, c'est que Louis XVI soutient la révolution d'indépendance des États-Unis. Et là, on ne comprend plus rien. Eh bien, un certain nombre de contemporains ont fait semblant de ne pas comprendre aussi, puisque le futur Girondin Brissot écrit en 1782, si ma mémoire ne me trahit pas, un ouvrage qui s'appelle « Le Philadelphien à Genève », dans lequel il explique qu'il y a un petit problème, puisque le comte de Vergennes, qui a soutenu l'intervention française aux côtés des insurgents américains, est le même qui réprime les troubles genevois et donc qui intervient militairement pour supprimer la liberté genevoise. Et donc on soutient la République quand ça nous arrange. Voilà. Alors donc il y a évidemment, dès le départ, il y a cette idée que la France intervient pour des raisons, je dirais, géopolitiques, hein, de la revanche de la guerre de... Contre la Grande-Bretagne. Contre la Grande-Bretagne, la revanche de la guerre de 7 ans. Il y a l'élément qu'a évoqué tout à l'heure Manuel, qui est la liberté des mers, qui est un élément effectivement central. Et par ailleurs, il ne faut pas exclure totalement l'idée que pour Vergennes ou pour Louis XVI, le fait de soutenir la liberté d'un nouveau peuple soit aussi un élément, même si c'est évidemment pas le seul. Manuel Corot. Tout à fait. Et je voudrais ajouter un élément. C'est aussi pour la France le moyen de défendre ses intérêts coloniaux. Puisque, à la suite de la guerre de 7 ans, l'empire colonial français s'est réduit extraordinairement. Mmh. Comme il a été dit, hein, on a perdu la Louisiane et le Canada. Ce qu'il reste, c'est néanmoins l'essentiel, hein, c'est-à-dire les Antilles françaises, mmh. et en particulier donc, la colonie française de Saint-Domingue, qui est la colonie la plus riche du monde à l'époque. Et la principale inquiétude du gouvernement français à l'époque, c'est de voir cette colonie passer aux mains des Anglais. Et le moyen trouvé pour ça, pour contrer l'hégémonie britannique, c'est de le couper en deux et de libérer les Américains de l'hégémonie britannique. Alors, quelle idée peut-on se faire de cette circulation des idées, dont on va parler encore plus amplement plus tard, entre le territoire américain, les îles, les Antilles, et l'Europe, donc les métropoles, pourrait-on dire, qui gouvernent ces colonies. Comment sait-on, comment circulent les idées, comment qui va d'un côté et de l'autre de l'Atlantique? Est-ce que ce sont des journaux, des livres, des libelles qui permettent à ces intellectuels ou ces futurs hommes politiques et dirigeants, en particulier de la Révolution américaine, de se faire une idée de ce qu'est cet esprit de liberté qu'ils veulent voir advenir sur ce territoire américain. Manuel Couvreau. Alors, effectivement, la circulation des idées, elle passe par plusieurs canaux. Vous évoquez les pamphlets, les libelles, en particulier le plus connu et le plus important d'entre eux, celui de Thomas Paine, Le sens commun, Common Sense, publié en 1776 et qui va être donc un succès retentissant en Amérique, mais qui après... Pourtant, c'est un auteur britannique. Voilà, c'est un auteur britannique, donc qui apparaît comme le cosmopolite par excellence, et puis qui va être traduit dans différents pays d'Europe et qui va avoir un rôle très important, notamment dans les Provinces-Unies, donc actuels Pays-Bas, et inspirer et être mobilisé dans le cadre des révoltes des années 1780 dans les Provinces-Unies. Et que dit Common Sense, donc le livre de Thomas Paine, en 1776, Manuel Corot? Donc c'est un, si vous voulez, le signal d'alarme contre le monarchisme britannique, qui est présenté comme une tyrannie. Et l'idée qu'il faut... l'idée de liberté, l'idée de commerce, commercer avec l'ensemble du monde, qui va réformer l'humanité. Parce qu'il ne faut jamais oublier, effectivement, que la question du commerce est essentielle dans cette question des relations qu'on n'appelle pas encore internationales, Marc Bélissa, que cette liberté des mers prônée par certains est centrale, parce que justement, le commerce, c'est le développement économique et qu'il y a aussi une pensée économique qui va avec cette question des relations commerciales entre États. Tout à fait. Le XVIIIe siècle est non seulement le siècle des Lumières, mais il est aussi le siècle du commerce, le siècle de l'économie politique, puisque dès le début du XVIIIe siècle apparaît ce qu'on appelle à la fin du XVIIe siècle l'arithmétique politique, puis on parle d'économie politique avec les écoles bien connues, notamment en France, des physiocrates, mmh. et les différentes variantes de ce qu'on appellera par la suite la pensée libérale. En effet, tous ces gens-là pensent le développement et pas seulement le développement dans le commerce, mais il pense que le commerce est un élément essentiel du développement, et donc un élément essentiel de la puissance. Et chez ces économistes, un certain nombre d'entre eux estiment que les colonies sont un élément essentiel de cette puissance. Ils ne sont pas tous d'accord d'ailleurs là-dessus, parce que pour certains, les colonies sont un problème économique plutôt qu'une solution. Anaïs Kien. D'ailleurs, après vous avoir lu, finalement, il est assez peu question du rôle de ces commerçants. Alors, la nature des commerçants est un petit peu différente. Si on parle de la France, de la Grande-Bretagne, on ne parle pas tout à fait de la même catégorie de gens, mais du rôle des commerçants dans cette pensée des réformes des États, Marc Bélissa. Alors, oui, c'est une question qui est difficile à poser, qui est difficile à régler. Il existe pourtant de très nombreuses archives, et mon ami Manuel Covo les connaît mieux que moi, donc il pourra compléter. Il existe pourtant des archives des chambres de commerce, par exemple en France, des institutions du commerce, c'est-à-dire des délégués du commerce, qui élaborent des réflexions non seulement commerciales, mais aussi politiques et géopolitiques. Et donc, qui vont créer de véritables lobbies, même dans les tout débats. Tout à fait. Il y a l'équivalent en Angleterre avec le Board of Trade. Et en fait, la plupart des États font parler les commerçants et leur font dire des choses. Manuel Covo. Oui, tout à fait. Et alors, en même temps, les négociants eux-mêmes sont très divisés sur la façon dont il faut réformer le système de commerce international. Mm-hmm. Et en particulier, si on regarde les chambres de commerce françaises, ce qu'elles veulent, c'est maintenir le monopole avec les colonies françaises, donc interdire tout commerce entre les colonies et l'étranger. Mm-hmm. Et en même temps, elles souhaitent obtenir l'accès au marché des États-Unis naissant. Ce qui est compliqué. Donc, c'est une contradiction qui est dénoncée notamment par Benjamin Franklin quand il est en France dans les années 1780. Il veut rompre ce système de monopole et se heurte en l'occurrence à la résistance vraiment des lobbies qui parviennent à obtenir gain de cause. Oui, alors tout de même, une des questions que l'on se pose quand on connaît évidemment ce 18e siècle et le brassage, pourrait-on dire, des idées, les idées que l'on dit des encyclopédistes, par exemple, ont-elles quelque chose à voir avec cette réforme nécessaire du système des relations internationales, cette propagation des idées de liberté? Est-ce que l'on a chez Diderot ou chez d'autres, justement, des réflexions qui portent sur la nécessaire réforme du système de la Société des Princes que vous décriviez tout à l'heure, Marc Bélissa? Oui, absolument. C'est d'ailleurs une réflexion qui se situe dans la continuité du XVIIe siècle, puisque les fondateurs de ce qu'on appelle le droit de la nature et des gens, que sont le Hollandais Grotius. Mmh. Celui qui avait inventé le droit de la mer pour la... Entre autres, oui, oui. L'Allemand Samuel Pufendorf. Donc, que l'on considère comme les fondateurs de ce droit des gens. Alors, je rappelle rapidement ce que ça veut dire. Le droit des gens, c'est le droit qui unit les peuples les uns entre les autres, ou même les individus en tant que membres de la société du genre humain. C'est-à-dire qu'on ne pense plus le devenir d'une société en ordre séparé qui peuvent évoluer de manière autonome sans tenir compte de ce qui advient de la classe sociale qui voisine. Je dirais il y a une mise en cohérence comme ça du social dans cette pensée du droit des gens. Oui, je ne poserai pas la question comme ça, mais on peut l'envisager comme ça, effectivement. Ce qui est assez fondamental dans cette histoire du droit des gens, c'est que les commentateurs, alors vous avez évoqué Diderot, qui en parle relativement peu, mais on pourrait citer d'autres personnages extrêmement importants de cette histoire-là. Rousseau, par exemple, qui publie les manuscrits de l'abbé de Saint-Pierre. Hein. On pourrait parler de Gabriel Bonneau de Mably, qui est le frère du philosophe Condillac, hein, et qui est à l'époque extrêmement important, et notamment parce qu'il a publié un grand ouvrage qui s'appelle « Le droit public de l'Europe » en 3 tomes et qui est une espèce de bible des Lumières sur les relations internationales. Et donc Mably fournit les éléments de cette critique de l'ordre international. Il n'est pas le seul, mais il est l'un des plus connus avec Rousseau et avec quelques autres. Et puis, il y a des personnages qui peut-être ont disparu du panthéon que connaissent aujourd'hui les Français et les Françaises de cette idée des Lumières, par exemple, l'abbé Raynal, il est très connu quand on s'y intéresse à ce 18e siècle, mais il est beaucoup moins connu que Rousseau, que Voltaire ou que d'autres. Et pourtant, Manuel Covo, c'est un personnage extrêmement intéressant, extrêmement important et dont l'œuvre va faire déclencher, pourrait-on dire. Les idées vont déclencher des révolutions. Vous pouvez nous expliquer cela, Manuel Covo? Tout à fait. Donc l'œuvre, l'histoire philosophique des deux Indes de l'abbé Raynal est une œuvre absolument essentiel de la fin du XVIIIe siècle, qui est un best-seller, qui va connaître un nombre incroyable d'éditions, qui va être traduit. 25 000 exemplaires, vous dites. Voilà, 25 000 exemplaires. il y aura près de 40 éditions, je crois, et trois différentes versions, dans laquelle va intervenir d'ailleurs Diderot en 1780, parce que l'abbé Rénal, c'est une œuvre collective en réalité, derrière le mot Rénal, et dans laquelle il va y avoir une dénonciation de l'entreprise coloniale, une dénonciation de l'esclavage, et une valorisation de la libération américaine comme processus vers une sortie du système colonial. Et donc 1770 pour la première édition, c'est ça, à Amsterdam, et ensuite des éditions multiples qui nourrissent quoi? Alors, qui nourrissent la révolution américaine, qui nourrissent les premières révoltes à Saint-Domingue, les premières demandes d'égalité pour les libres de couleur, par exemple, sur le territoire de Saint-Domingue, Manuel Covo? Tout à fait. Donc en fait, c'est une vase tellement importante qu'elle va être... qu'elle va être prise par un certain nombre d'acteurs différents dans des perspectives variées. Mais en particulier, elle va être mobilisée au tout début de la Révolution française dans les colonies pour réclamer davantage de droits pour les colonies, davantage de droits aussi par la suite pour les esclaves et les libres de couleur. Anaïs Kien. Ce qui est quand même étonnant, c'est de voir la rapidité à laquelle se répondent les textes, la rapidité des traductions, la dextérité éditoriale de l'époque, Manuel Covo. Tout à fait. Donc ça, c'est assez frappant. Ces hommes circulent, ne cessent de circuler de part et d'autre de l'Atlantique. Si on suit par exemple quelqu'un comme Lafayette, il n'arrête pas de faire des voyages transatlantiques dans les années 1770, dans les années 1780. Et avec lui, dans ses bagages, il a toujours un pamphlet, un livre, etc. Et la route est longue à l'époque. C'est vrai, il faut 50 jours en moyenne pour aller de Bordeaux à Saint-Domingue. Donc, et un peu moins pour aller à New York. C'est-à-dire que, et c'est très aléatoire, mais malgré tout, il y a une rapidité qui est assez frappante. Malgré ce temps, en fait, les imprimeurs sont très réactifs parce qu'on peut faire aussi beaucoup d'argent. Oui, c'est ce que explique très bien Robert Danton dans ses travaux sur l'imprimerie à cette époque-là. Mais on lit en quelle langue, par exemple, dans ces années-là, Marc Bélissa? On dit que la langue de la diplomatie, qui ne s'appelle pas encore diplomatie, c'est le français, mais on lit en la français. Langue de on la politique. On lit dans quelle, oui, de la politique. On lit en quelle langue, Marc Bélissa? On lit en français, on lit en anglais. On lit en français, on lit en anglais. D'abord parce qu'une grande partie de la presse européenne est écrite en français. Les gazettes hollandaises sont écrites en français, qui sont les journaux de référence. Mais on lit aussi en anglais et on traduit beaucoup, ce qu'évoquait Manuel à l'instant. Je ne prendrai qu'un seul exemple. Les déclarations des droits des États américains qui se créent dans les années 1760, fin des années 1770, 1780, sont quasiment immédiatement traduites en français dans les journaux et diffusées dans les journaux, puis diffusées en brochure. Et à peine quelques années après leur adoption, on a des traductions de la Déclaration des droits de Virginie, par exemple. Arbre cher à toute la France, en dans son sein tu pris naissance. Son sein tu d'un jour le destin, t'offrirais ta pareille festin. T'offrirais ta pareille festin. Pensais-tu qu'un jour ton feuillage réunirait sous ton ombrage, au lieu de rampant citoyen, tant de braves républicains, tant de braves républicains? Pensais-tu que les sans-culottes chasseraient bientôt les despotes, et que le peuple souverain briserait leur sceptre des reins? Briserait leur sceptre des mains. Pensais-tu qu'enfin pour éteindre cette race toujours à craindre, on placerait sur son chemin la machine de guillotin, la machine de guillotin, pour venger la mort de ces traîtres soumis à leur féroce maître? On voit s'armer tous nos voisins, Hippovéron monarchien, Hippovéron monarchien. Pour les punir de leur audace, les Français se lèvent en masse et leur font rebrousser chemin. Bravo peuple républicain, bravo peuple républicain. Pour servir leur projet perfide, on voit des Français parricides, de leur mère en trouvant le sein, diriger le frère assassin. Diriger le frère assassin. Mais calmons notre inquiétude et rions de leur culpitude. Ce ne sont que des muscadins. Et nous sommes républicains, et nous sommes républicains. plantation de l'arbre de la liberté, un chant évidemment de la Révolution française. Anaïs Quien. On ne s'est pas encore saisi, Marc Bélissa, d'un terme qui est évidemment fort discuté dans ces années-là, qui est le terme de république, cette notion de république que chaque pays, que chaque révolution va adapter à sa spécificité. Pour le moment, on a évoqué la révolution américaine, évidemment la révolution française, mais entre ces deux extrêmes chronologiques, il y a plusieurs révolutions en Europe occidentale, en Belgique, en Suisse, qui vont inventer leur propre manière de réformer le rapport des hommes à leur gouvernement. Oui, très rapidement, je rappelle deux éléments de chronologie avant de répondre sur la question de la République. 1787, révolution dite des patriotes bataves dans les Pays-Bas. 1789, écrasé par l'intervention autrichienne et prussienne, enfin avec le soutien de l'Autriche pardon, et les troupes prussiennes. Révolution belge en 1789, qui aboutit à la constitution d'État Belgique uni. On voit à quel point le modèle américain ici a joué un rôle. Révolution à Liège, qui est à l'époque un État indépendant, très différent de la Belgique proprement dit, ou en tout cas de ce qu'on appelle les Pays-Bas méridionaux. Révolution à Genève en 1794, puis par la suite mouvement révolutionnaire dans l'Italie de la fin des années 1790, etc. Donc il y a toute une série de mouvements révolutionnaires, et je ne parle pas de la révolution de Pologne de 1791 et 1794, qui sont des mouvements de nature évidemment extrêmement différente, mais qui quand même ont un langage politique commun, et donc le terme de république fait partie de ce langage politique commun. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors, ce qu'on entend par là, c'est déjà pas forcément une forme politique. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une république avec un roi. Les contemporains ne sont pas choqués. Montesquieu estimait, par exemple, que l'Angleterre était une république parce qu'elle était une res publica, que le pouvoir du roi était limité et donc qu'il existait une notion de bien commun. La Pologne était une res publica puisqu'elle était la République des Polonais. Pourtant, c'était une monarchie élective avec plusieurs centaines de milliers de nobles et des serfs. Mais le terme de république ne renvoie pas forcément à la forme républicaine telle que, justement, la Révolution a uni le terme de république et le terme de démocratie. Avant la Révolution française, les termes de république et de démocratie ne sont pas forcément synonymes. En 1793, Robespierre ou d'autres commencent à utiliser le terme république comme synonyme de démocratie, mais auparavant, le terme ne signifiait pas ça. Il signifiait la res publica, le bien commun. Et puis, tout de même, il y a l'exemple de la révolution américaine, puisque cette révolution américaine, effectivement, se fait contre cette république telle qu'elle est décrite, en l'occurrence par Marc Bélissa et pensée par Montesquieu, c'est-à-dire une république avec un souverain. Et évidemment, cet exemple-là est un exemple qui va peut-être aussi donner des idées à d'autres, Manuel Covo. Oui, tout à fait. Donc, tout début de la Révolution française en 1789, dans les débats de l'Assemblée nationale, le modèle américain est sans cesse convoqué. C'est-à-dire qu'on en parle tout le temps, mais en général, c'est quand même à la fois, c'est un modèle qui est valorisé, mais qui est valable pour les États-Unis, mais pas pour la France, puisque au départ, hein, y a l'idée que la République est possible là-bas, elle n'est pas possible en France. En 1789, ça bloque, parce que la République est pour les petits États ou un État neuf tel que l'État américain. Et donc, il est présent, mais aussi, on souligne les différences et les divergences. Et entre ces États-Unis et les métropoles européennes, il y a justement ces îles des Antilles. Qu'est-ce qu'on en dit ? Qu'est-ce qu'on en pense de ces formes républicaines qui sont d'un côté et de l'autre pas exactement les mêmes, pas pensées de la même manière, Manuel Covo ? Oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant parce que, en fait, les États-Unis sont vus aussi comme anciennes colonies de la puissance appartenant à l'Empire britannique. Donc, en fait, il y a des analogies qui sont faites entre les colonies françaises et les États-Unis. Et avec la peur aussi que les colonies françaises réclament La contagion. Voilà, la contagion dans les colonies. Contagion, mais d'abord, on a peur d'une contagion chez les planteurs blancs, d'une révolution blanche. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les planteurs blancs demandent un système à l'américaine, puisqu'ils disent, il faut faire comme aux États-Unis où il y a un nord abolitionniste, un sud esclavagiste. En France, on peut faire pareil, une métropole abolitionniste et des colonies esclavagistes. Donc, on voit bien que le modèle américain, il est assez flexible et malléable. Mmh. Anaïs Quien. Il y a un outil politique qui va être fort discuté et dont les colonies françaises vont être exclues, c'est la question constitutionnelle qui est éminente pour la Révolution américaine, qui l'est aussi pour la Révolution française, qui est à contre-courant du modèle britannique lui-même et qui va poser d'énormes problèmes aux colonies françaises. Oui, tout à fait. La question qui se pose, c'est faut-il une constitution unitaire incluant la métropole et les colonies ? Les planteurs s'y opposent, évidemment, puisqu'ils ne veulent pas de la déclaration des droits de l'homme dans les colonies. Ils ne veulent pas libérer leurs esclaves. Mais pour les libres de couleur, qui cherchent à... Donc, qui sont des... Affranchis, descendants d'affranchis. Qui sont de plus en plus nombreux dans les colonies françaises. Et parfois propriétaires d'esclaves. Voilà, planteurs et eux-mêmes propriétaires d'esclaves, ont subi des discriminations au sein des colonies et souhaitent être bénéficier de la régénération et notamment de la citoyenneté active et donc participer à la vie politique dans les colonies. Et cette tension-là entre planteurs blancs et libres de couleur va être un ferment et va se jouer autour de la du rôle de la Constitution dans les colonies. Et puis il y a un poids démographique qu'il faut rappeler, c'est-à-dire qu'à certains endroits, on est à 50-50 entre les libres de couleur et les planteurs blancs. Donc il y a presque autant de libres de couleur que de blancs à Saint-Domingue. Et dans certains endroits, même les libres de couleur sont plus nombreux que les blancs. Marc Bélissa. Pour compléter ce que dit Emmanuel Covault, le terme de constitution dans les deux premières années, les trois premières années de la Révolution, renvoie non seulement au texte de la Constitution, mais renvoie aussi à la Déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on, dans le langage révolutionnaire, constitution renvoie non seulement au texte constitutionnel, c'est-à-dire à l'organisation des pouvoirs, mais aussi et surtout, parfois, aux principes. Et les principes, ce sont ceux de la Déclaration des droits de l'homme. Et donc, dans la Constitution, lorsque les planteurs disent qu'ils ne veulent pas de constitution, la même constitution qu'en métropole, c'est qu'ils ne veulent surtout pas de la Déclaration des droits de l'homme. Ce qui est très intéressant et ce qui est relativement notable dans les travaux des historiens comme vous, Manuel Covault, c'est que vous recentrez la question de la République, la question de la Révolution sur ces territoires, en particulier ces territoires coloniaux, en considérant qu'il y a là un problème, Anaïs Quin l'évoquait tout à l'heure, de conception, de double standard, pourrait-on dire, qui pose un problème à la Révolution et aux révolutions en général, et que c'est là qu'il faut aller regarder aujourd'hui pour pouvoir justement mieux comprendre ce qu'a été l'évolution du cours des révolutions de la fin du XVIIIe siècle. Tout à fait. En fait, il faut bien se rappeler que la France est un empire colonial. À la fin du XVIIIe siècle. Ce que souvent des gens oublient, effectivement, voilà. Quand on parle de la France de cette époque-là. Exactement, parce qu'on ne voit plus de Canada, on ne voit plus de Louisiane, le territoire de Saint-Domingue est minuscule, donc on a du mal à imaginer qu'il s'agit d'un empire colonial. C'est quand même un empire colonial qui se rétracte. Voilà, un petit peu. Qui se rétracte, mais en même temps, du point de vue du commerce, il faut bien voir que c'est un empire qui s'étend et qui fait peur à la Grande-Bretagne. Et ce qui est assez paradoxal. Et du coup, l'idée... Il s'étend de quelle manière, justement par la puissance commerciale de Saint-Domingue en particulier. Voilà, la puissance économique est extraordinaire. C'est-à-dire que la traite négrière, aussi, il faut le rappeler, les meilleures années de traite négrière, c'est 1789-1790. Donc, on est dans une expansion commerciale considérable qui donne la puissance à la France. Et il y a cette idée qui se développe, notamment à l'Assemblée nationale, qu'il faut absolument conserver les colonies pour pouvoir résister à la puissance britannique. Sans les colonies, on ne pourra pas résister à la force de l'Empire britannique qui continue de s'étendre. Ce qui explique les débats qu'il y a à l'intérieur de l'Assemblée nationale, justement, entre la Société des Amis des Noirs, par exemple, et le Club Massiac, des débats qui sont très, très fervents, très, très durs, effectivement, entre défenseurs des planteurs et défenseurs de la liberté des esclaves, par exemple. Tout à fait. Donc il y a des tensions très fortes dans les débats de l'Assemblée constituante, en particulier en 1791, sur les droits des libres de couleur, sur le projet de l'abolition de la traite négrière, et qui donne lieu à des scissions au sein même des révolutionnaires, au sein même des patriotes. On se divise sur le rôle et sur la façon dont les colonies peuvent et doivent être régénérer. Oui, alors, tout de même, c'est intéressant ce que vient de dire Manuel Covo, Marc Bélissa, parce que quand on évoque justement cette centralité de la colonisation dans l'histoire française, par exemple, aujourd'hui, quand des jeunes historiens évoquent cette question-là, on leur rétorque, mais il y a d'autres problèmes dans d'autres pays, et ces pays n'ont pas de colonies. Comment justement faire le lien entre le fait d'avoir ou de ne pas avoir des colonies et la propagation de ces idées révolutionnaires, ces débats interminables autour de la question de la République, du droit des gens, etc. Marc Bélissa. Alors, tout d'abord, certes, il y a des mouvements révolutionnaires dans des États qui n'ont pas de colonies, mais même ces États qui n'ont pas de colonies sont quand même pris dans un système de commerce international dans lequel le pouvoir colonial est essentiel. Par exemple, les Pays-Bas autrichiens, certes, n'ont pas formellement de colonies, mais de fait, le commerce de Anvers ou le commerce des ports belges ont une sphère d'influence. Et de toute façon, ils ne peuvent pas s'abstraire de ces rapports de force, y compris coloniaux. Je voudrais simplement aussi ajouter une petite chose. Dans les débats de la constituante qu'on a évoqué tout à l'heure, personne ne défend la liberté des esclaves. Parce que la Société des Amis des Noirs ne défend pas la liberté d'esclave. Et pourtant, on va y arriver. Mais dans la Constituante, on débat du droit des libres de couleur et de l'abolition de la traite. L'abolition de la traite, c'est le programme des Amis des Noirs. En fait, on a un débat qui pose ces questions-là avec beaucoup de sous-entendus. C'est-à-dire que parmi tous les acteurs, il y en a qui pensent à l'abolition de l'esclavage, mais dans un futur que l'on pense relativement éloigné. On ne pense pas que ça va arriver tout de suite. Oui, mais la révolution, on ne la dirige pas. Son cours est imprévisible, en l'occurrence, et c'est ce qui va se passer, Mme Co. Effectivement, puisque les conflits se développent dans la principale colonie à Saint-Domingue pour aboutir à la principale explosion, ce que craignaient absolument les planteurs, c'est-à-dire l'insurrection générale des esclaves en août 1791, qui est une insurrection sans précédent, c'est-à-dire coordonnée, embrasant l'ensemble de la plaine du Nord, organisée, qui va complètement bouleverser le cours de la révolution dans la colonie et aboutir à une conclusion radicale. Et d'ailleurs, la Société des Amis des Noirs va s'engager dans la répression de cette révolte. Et là la confusion atteint son paroxysme. C'est vrai que quand on commence à s'intéresser aux détails de relations entre ce qui se passe à Saint-Domingue et ce qui se passe en métropole, on a du mal à comprendre les logiques. C'est-à-dire que pour la Société des Amis des Noirs, qui s'est engagée à l'abolition graduelle de l'esclavage, cette insurrection, elle pose problème, puisque l'abolition graduelle devient difficilement applicable. Oui. Les esclaves se sont emparés de cette révolte et se sont emparés de cette révolution. Oui, parce que quand même, ce qui est très particulier dans cette révolte de 1791, c'est qu'au bout du compte, les esclaves mettent la révolution devant ses contradictions. C'est-à-dire qu'elles disent, vous prenez la liberté, nous la demandons et vous nous réprimez, en l'occurrence. Et c'est ce qui se passera aussi en 1804. Tout à fait. Donc, Ce qui apparaît dans cette... Alors, en même temps, les mots d'ordre de la révolte des esclaves sont complexes et variés. C'est-à-dire vive que... Vive Louis XVI. Voilà, oui, voilà. Donc, on va créer vive Louis XVI pour la liberté, en partie. Ou vive le roi d'Espagne. Vive le roi d'Espagne. On va créer vive la République. Ou vive le Romaine la prophétesse, qui a une vision complètement eschatologique de la révolte. Donc, il y a une grande... C'est très difficile à analyser. Il n'y a pas un discours commun. Et en même temps, cette cacophonie, elle va être aussi compliquée en métropole, puisque finalement, les abolitionnistes sont confrontés à une situation inédite. Anaïs Quin. Et puis, cette brusque révolte perturbe beaucoup un moment très important où on tente de stabiliser ce mouvement révolutionnaire, où on tente de maîtriser ce qu'on prétend être les élans émotionnel et éruptif des populations en révolution. Et cette révolte des esclaves va perturber cette capacité qu'essaye d'affirmer l'Assemblée à pouvoir maîtriser, stabiliser et encadrer finalement de nouveau politiquement, efficacement, la France et ses territoires. Tout à fait. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, l'Assemblée nationale essaie toujours de terminer la révolution dans les colonies, mais elle le fait... toujours avec un décalage, c'est-à-dire qu'on a les informations, ce que vous évoquiez tout à l'heure, on a l'information 50 jours plus tard, on renvoie 50 jours encore plus tard. Donc ça veut dire que c'est 100 jours entre l'aller-retour et la situation est complètement bouleversée. C'est le travail de ces historiens de la Révolution française qu'ils avaient fait dans les années 60, par exemple, sur la transmission des nouvelles à l'intérieur du territoire métropolitain, où on voyait qu'une révolte pouvait avoir lieu 14 ou 15 jours après une révolte ou une émeute dans Paris, parce que le temps que la malle-poste arrive, eh bien, la nouvelle arrivait 15 jours plus tard au fin fond du territoire métropolitain. Mais c'est la même chose en plus grand, d'une certaine façon, avec les colonies, Manuel Corot. Tout à fait, c'est une sorte de caricature de ce qui se produit à l'échelle métropolitaine, sachant qu'avec le déclenchement de la guerre contre la Grande-Bretagne en 1793, les relations directes sont coupées entre la colonie et la France, et les nouvelles passent par les États-Unis. Donc en fait, on va se procurer des journaux américains pour savoir ce qui se passe en métropole à Saint-Domingue. Marc Bélissa. Oui, c'est tout à fait spectaculaire ce décalage qui fait que bien souvent en métropole, on ne sait absolument pas ce qui se passe dans la colonie. Et il y a des scènes tout à fait extraordinaires quand la députation de Saint-Domingue, qui a été élue au lendemain de l'abolition de l'esclavage par son tonax, qui était le commissaire civil qui avait été envoyé sur place et qui avait aboli provisoirement l'esclavage, donc tout en venant dompter cette révolte d'esclaves. Voilà, à l'été 93. Eh bien donc, on élit une délégation pour aller apporter cette nouvelle en France, enfin en métropole, mais cette délégation ne peut évidemment pas passer directement à travers l'Atlantique parce qu'il y a la flotte anglaise qui menace, et donc on est obligé de passer par les États-Unis. On envoie cette députation est scindée en trois parties qu'on envoie par différents chemins pour espérer qu'il y en ait au moins une des trois qui arrive. Il y a des tentatives d'assassinat, il y a des tentatives de récupération, on les arrête en arrivant en France, c'est une situation complètement folle, et finalement quand ils arrivent à la Convention, le comité de salut public dit bah « Alors, qu'est-ce qui se passe? Donnez-nous des informations. » Et c'est en réaction à ces informations que la Convention abolit l'esclavage en pluvieux en deux. C'est-à-dire que jusque-là, on n'a pas pu le faire parce que, grosso modo, on ne sait pas ce qui se passe. Mm-hmm. Anaïs Kien. Il y a un lieu dont on n'a pas parlé jusqu'à présent et qui est pourtant une sorte de précipité de tous ces moments, de tous ces mouvements révolutionnaires, de toute cette pensée sur la démocratie, de toute cette pensée sur du rapport des hommes à leur gouvernement, qui est pourtant la capitale du tyran du moment, puisque c'est Londres en Grande-Bretagne, où à la fois les émigrés, à la fois tous les penseurs dont on a parlé aujourd'hui, vont passer, vont publier ou vont correspondre, Manuel Corot. Et cette ville, finalement, on aurait pu expliquer tout ce dont on vient de parler aujourd'hui en partant de cette ville de Londres. Oui, en fait, c'est un lieu assez paradoxal, puisque c'était le lieu, effectivement, de cette liberté de presse, etc. Mais en même temps, c'est là où on publiait quand on ne pouvait pas publier dans son propre pays. Mais alors, en même temps, ça va devenir aussi le symbole, la capitale de la tyrannie dont que vous évoquez, qui va accueillir énormément d'émigrés, notamment des planteurs de Saint-Domingue, vont se retrouver à Londres et vont remettre la colonie de Saint-Domingue aux mains de l'Empire britannique. Et donc ça va déclencher une guerre sans précédent aussi dans la colonie, qui va être scindée en deux pendant une bonne partie de la décennie révolutionnaire entre la partie britannique et la partie française, qui complique encore la situation. Et Marc Bélissa, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, cette révolution qui s'éteint progressivement sur le territoire métropolitain a évidemment des surgeons. On vous avait évoqué les prémices bataves de la République juste en 1787, mais il va y avoir effectivement dans la foulée les républiques sœurs qui vont être créées, en particulier cette République batave à partir de 1795, je crois, si je me trompe, et qui vont là aussi porter ces idées révolutionnaires, passer des États-Unis à la France et maintenant dans d'autres pays d'Europe, tamiser, pourrait-on dire, pour pouvoir faire autre chose, d'autres types de républiques dans d'autres endroits. Ah, tout à fait. Les républiques sœurs ont cela de particulier qu'elles se créent. Donc la première est la République batave, comme vous l'avez dit, mais il y a aussi les républiques italiennes, République cisalpine, puis plus tard, et de manière un peu rapide, la République à Rome, à Naples. Les républiques illyriennes, plus tard. Les républiques illyriennes, etc. etc. Le caractère commun quand même à l'ensemble de ces mouvements, c'est que ce sont des mouvements qui se déploient avec l'aide de l'armée française. de l'occupation française. Oui, parce qu'on parle de circulation des idées, etc., mais on est quand même en guerre aussi. Voilà, on est tout à fait. Et donc la circulation des soldats est aussi un moyen révolutionnaire, si on peut dire cela. C'est-à-dire que les républiques, ce qu'on appelle les républiques sœurs, sont finalement le fruit de la convergence entre deux choses, entre une occupation militaire française, alors une occupation qui est censée venir libérer, mais qui est quand même une occupation, et par ailleurs, l'expression de mouvements patriotes ou patriotiques qui sont antérieurs. C'est-à-dire que quand les Français arrivent à Amsterdam, ils sont accueillis par les patriotes hollandais, ceux de 87, et ils les accueillent comme, en partie comme des libérateurs. Bon, par la suite, ils déchantent un peu, parce que l'occupation est un peu... Généralement, quand on a libéré, et Napoléon ayant libéré aussi beaucoup de territoires, effectivement, on déchante quelque chose. Donc, ces républiques sont des républiques, je dirais, sans révolution. C'est-à-dire que ce qui les amène, ces républiques, au pouvoir, c'est la conjonction, la congruence plutôt, le mot est à la mode, entre une occupation militaire et un mouvement patriote local. On a pendant des années insisté beaucoup sur la présence militaire française et on a expliqué que ces républiques étaient finalement des espèces d'états satellites un peu artificiels. Depuis 20 ans, depuis 25 ans, tous les chercheurs qui travaillent sur ces républiques sœurs montrent qu'au contraire, la question militaire est importante, l'occupation et le poids des Français est important, mais que dans toutes ces républiques, il y avait des mouvements patriotes locaux qui ont construit des États, certes avec l'aide de l'occupation française, mais qui sont vraiment l'expression de mouvements locaux, notamment aux Pays-Bas. Il y a quand même quelque chose d'assez étonnant lorsqu'on regarde un petit peu les rapports, Manuel Couvent, entre la Révolution américaine et la Révolution française. On a l'impression d'un grand malentendu, puisque finalement, la France et les États-Unis auraient pu devenir des républiques sœurs également, après leur propre révolution. Alors, il y a cet espoir de créer une république sœur. Il y a un grand malentendu, c'est tout à fait le mot, puisqu'il y a cette idée, il y a une grande valorisation de la République américaine dans les différentes assemblées, jusqu'au moment où, en novembre 1994, les États-Unis décident de se rapprocher de la Grande-Bretagne avec le traité de Londres, qui est considéré comme la grande trahison. Par les Français, oui. Mais aussi par beaucoup d'Américains. Oui, par beaucoup d'Américains, et qui divise profondément la société américaine, c'est-à-dire que la société politique américaine, le bipartisme américain se constitue sur l'opposition entre la France et la Grande-Bretagne. Il y a les partisans de la République française et les partisans de l'Alliance au nom de liens anciens avec la Grande-Bretagne, du commerce, des relations de crédit, etc. Donc c'est à la fois interne et externe, si vous voulez. À l'intérieur des sociétés politiques, il y a une division sur le sens de la relation entre la France et les États-Unis. Et vous avez travaillé avec des étudiants, Marc Bélissa, justement sur la présence des consuls français sur ce territoire nouvellement libéré des États-Unis par la Révolution américaine. Et ce discours des Français sur ce territoire américain est intéressant parce qu'effectivement, c'est la façon dont la France envisage les retournements de situation, les évolutions de la politique internationale, pourrait-on dire, des États-Unis nouveaux, donc dans le monde de l'époque. Tout à fait, oui. Alors, il y a un discours français sur les États-Unis qui est un discours à plusieurs niveaux. Il y a le discours des gens qu'on appelle les diplomates qui sont sur place, que ce soit les ambassadeurs ou, enfin, plus exactement, le ministre plénipotentiaire ou les consuls. Donc, il y a un discours qui est à la fois un discours d'admiration pour les États-Unis et en même temps une espèce de discours qui considère quand même que ce sont quand même des Anglais fondamentalement et qui restent quand même... Donc des ennemis. Pas des ennemis, mais des gens dont on a intérêt à se méfier parce que finalement, la seule chose qui les intéresse, c'est de vendre du poisson, comme disait Otto, le premier ambassadeur. C'est-à-dire que fondamentalement, comme leur esprit, c'est l'esprit de commerce, dit Otto, eh bien... C'est un esprit versatile. C'est un esprit versatile, c'est un esprit qui n'ira que du côté de leurs intérêts. Et donc, les diplomates français ont tendance à reprocher aux Américains d'être trop proches des Anglais parce que leur intérêt commercial les y porte. Et il y a par ailleurs un autre discours français sur les États-Unis, qui n'est pas celui des diplomates, mais qui est celui des journalistes, des patriotes, qui effectivement voient les constitutions américaines, la réflexion américaine, comme en tout cas quelque chose avec lequel on doit penser. Non pas forcément comme un modèle, mais comme un élément de réflexion. Alors, il ne s'agit pas de terminer en quelques minutes sur ces questions des révolutions et des contagions révolutionnaires dans l'Europe de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle sans évoquer, effectivement, la révolte de Haïti, sans évoquer la crainte, effectivement, de la libération des esclaves qui, effectivement, advient et qui va être réprimé par la France et par Napoléon. Ça, c'est important parce que c'est d'une certaine façon la clôture d'un espoir révolutionnaire. Alors, espoir ou crainte des révolutions pour certains, c'est-à-dire ceux qui, évidemment, possèdent des esclaves dans le sud des États-Unis, n'espèrent pas beaucoup que la révolution haïtienne arrive à terme au bout du compte. Oui, alors en 1780, je rappelle, en 1793, c'est abolition de l'esclavage à Saint-Domingue. 1794, février 94, extension à l'Empire, enfin à l'Empire réduit. Hein, à français, toutes les colonies. Voilà. Et puis, il y a un retour de balancier à partir du moment où le consulat, 1799, et puis tentative de réprimer complètement cette révolution en 1802, l'expédition Leclerc, qui est vaincue par les Haïtiens et qui crée cet État. Et pendant cette période, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont réellement faire vibrer à la fois tous les esclaves des colonies environnantes, en Jamaïque, à Cuba, et Haïti va devenir un modèle de libération. On oublie que dans le modèle des révolutions, on cite souvent la révolution américaine, la révolution française, mais la révolution haïtienne compte autant, en tout cas dans cet espace géographique-là, que les autres. Tout à fait. Dans les Amériques, la révolution haïtienne, elle hante... aux États-Unis en particulier. Aux États-Unis, là, on parle de la Révolution française, on parle tout autant de la Révolution haïtienne dans les journaux, en même temps. Et la question est de savoir, est-ce que la Révolution française aboutit nécessairement à la Révolution haïtienne ? Et quelqu'un qui incarne cette contradiction aux États-Unis, c'est Thomas Jefferson. Mm-hmm. Puisqu'il est proche de la France. Propriétaire d'esclaves. Mais propriétaire d'esclaves. Propriétaire d'esclaves et aussi anti-esclavagiste. Voilà, ouais. Donc ce qui le rend complètement... schizophrène. Schizophrène et qui incarne cette contradiction américaine qui va continuer à se développer tout au long du 19e siècle. Marc Bélissa, pour conclure, on voit bien qu'une émission comme celle-ci présente presque un programme de travail sur ces questions des contagions révolutionnaires. Vous avez dit souvent, depuis 10 ans, depuis 20 ans, on a vraiment l'impression que cela évolue à grande vitesse, que les colloques, les travaux universitaires, par-dessus l'Atlantique, là aussi, entre France, Europe et États-Unis, par exemple, mettent à l'agenda, pourrait-on dire, de l'histoire, cette question des contagions révolutionnaires et des expériences, des transferts révolutionnaires au-dessus de l'Atlantique. Tout à fait. Manuel l'a évoqué tout à l'heure, on a un vrai tournant au moment du bicentenaire et dans les années qui ont suivi. C'est-à-dire qu'on est, c'est pour ça que je dis depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, mais grosso modo, c'est la suite du bicentenaire qui a contribué beaucoup à décloisonner l'apport extrêmement important des travaux sur Haïti. Je ne sais pas, je pense que dans les années 70, des travaux sur Haïti, il devait y en avoir 5 ou 6. Aujourd'hui, il va y en avoir plusieurs milliers. Et donc, c'est devenu une question absolument fondamentale. Et cette question de l'Atlantique révolutionnaire est au cœur de beaucoup de travaux. Merci, merci à vous, Marc Bélissa. Je rappelle que vous êtes auteur avec Yannick Box de Robespierre, la fabrication d'un mythe chez Ellis, mais également de Fraternité universelle, sous-titré Cosmopolitique et droits des gens chez Kimé, et d'un collectif sur les consulats français aux États-Unis. Emmanuel Covo, on attend avec impatience justement un de ses travaux à être édité, le vôtre, votre thèse que vous avez soutenue fin 2013, Commerce, Empire et Révolution dans le monde atlantique, la colonie de Saint-Domingue entre métropole et États-Unis. 1778-1804. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter cette question-là. Et puis, il faut noter que la revue d'histoire du théâtre, vous me l'avez signalé, Anaïs, donc numéro 268, dirigé pour ce numéro par Martial Poisson, s'appelle Révolution en acte, avec un S entre parenthèses pour les révolutions, et justement traite de cette question de comment on met en scène la question de la révolution aujourd'hui et des révolutions dans le théâtre contemporain. On le note, c'est la revue d'histoire du théâtre numéro 268. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marseille-Élise Leu était à la technique avec nous aujourd'hui et Véronique Samouilov à la réalisation. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission pendant 1000 jours, la télécharger pendant un an après sa diffusion. Laissez vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.